L'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a inséré dans son page d'internet l'œuvre classique du général Kim Jong-il, réalisant la réunification indépendante et pacifique du pays grâce à la grande union de notre nation tout entière.